Dans ce 18e épisode, je vous parle de loi d'Illich et de l'efficacité humaine négative. Bienvenue dans le podcast du blog moptimise.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous. Après vous avoir parlé de la loi de Parkinson et de la loi de Murphy, loi de Murphy qui en a amusé plus d'un, qui m'a envoyé des vidéos de chats avec une tartine sur le dos qui, ne retombant jamais, était en rotation permanente et qui faisait des générateurs improbables et assez infinis. Donc, merci à vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la loi d'Illich qui dit qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine diminue jusqu'à devenir négative. Là, on y va quand même un petit peu fort. Donc, qui est ce monsieur Illich? C'est un penseur autrichien qui est né en 1926. Qui a été étudiant et résistant en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, et il devient ensuite prêtre. Il part en 1951 aux États-Unis, puis il va à Porto Rico à l'université catholique, où là il commence à réfléchir un petit peu sur le côté et prêtrise et universitaire. Il va quitter les ordres. Et il va fonder au Mexique en 1961 le Centre pour la formation interculturelle. C'est là où il va élaborer sa loi. Ce centre va fermer en 1976 et il reviendra en Europe. Il décédera en 2002 d'une tumeur. Pourquoi d'une tumeur ? Parce qu'il a mis en application sa loi. Parce que pour lui, la médecine est tellement poussée à outrance qu'elle en devient nuisible à la santé, de la même façon que l'automobile devient nuisible au transport. On a tellement développé l'automobile qu'on n'a pas développé d'autres moyens de transport, ou pas autant qu'on aurait pu. Et même chose pour la médecine, on pousse tellement le système de médecine, d'opération, de chimiothérapie et de choses comme ça que derrière, on a des effets secondaires et on a d'autres maladies qui se déclarent ou qui se développent après. Et de la même façon, pour lui, l'école est également nuisible à l'éducation. Normalement, le but de l'éducation est de pouvoir donner les mêmes chances à tous à la sortie. Et on en est arrivé dans un système tel que les riches arrivent à avoir un meilleur niveau d'éducation que les pauvres. Donc que le système d'éducation, le système scolaire ne joue plus son rôle. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui l'a amené à établir sa loi. Donc je rappelle qu'il dit qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine diminue jusqu'à devenir négative. Et c'est une loi qu'on peut relier au travail et qu'on peut appliquer notamment en disant que travailler pendant la pause de midi, c'est contre-productif. Donc là, de la même façon, travailler au-delà d'un certain seuil, ça devient négatif, ça devient contre-productif. Et il faut prendre des pauses, prendre du recul, prendre un petit peu d'éloignement aussi sur son travail pour rester productif et pour éviter de créer plus de problèmes qu'on ne va en résoudre. C'est la même chose sur faire de trop longues journées, sur faire des réunions qui dépassent une heure. Si on fait des réunions de plus d'une heure, forcément les gens vont décrocher et on n'arrivera pas à aucun résultat. De la même façon, on sait que notre temps d'attention, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau professionnel, on est entre 25 et 45 minutes. Donc là, je vous renvoie sur le système Pomodoro avec les sprints de 25 minutes du système Pomodoro et les pauses de 5 à 15 minutes derrière pour pouvoir justement faire une petite pause et sortir de son travail. Et en dernier, on a la notion de multitasking, où c'est bien d'être capable de gérer plusieurs tâches à la fois, mais au-delà d'un certain seuil, on gère plus rien du tout. Et donc forcément, on va générer plus de problèmes derrière parce qu'on gère plus rien plutôt que de gérer une ou deux tâches et de les gérer très bien de façon très efficace et très productive. Donc voilà pour la loi d'Illich qui, je rappelle, dit au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine diminue jusqu'à devenir négative. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de partager les émissions sur tous les réseaux sociaux, à contacter @moptimise sur Twitter ou sur le site moptimise.com et n'hésitez pas à partager, à discuter, à me dire si vous voyez d'autres applications de la loi d'Illich ou des lois de Parkinson et de Murphy. À très bientôt.